qui ne pardonne ngayo pona silence nangai po traite ngai na mabenyo so pona kolinga nangai méchant pardon chérie na tindeli yo mwana moya maloba na nzembo ndima yo tatina yo ka nzembo oyo okobosana méditerrané na sara ma distance eka bolinga na yo consolation na yo mama nzembo oyo na hiver bina bina nzembo oyo na printemps saison ya mama mosantu na moto ya mbeto tiaka fololo mibale na kozala na yo mama tantine chéri yo tantine ngai yo mosantu na kosenga na mongongo na yo angelika yemela ngai jour après jour et pour toujours nuit après nuit et pour la vie mon bonheur c'est toi Manzenza Salam Salam. Tantina, tantina nga yo monsatu na kosenga na mongongo na yo angelika yembela ngai jour après jour et pour toujours nuit après nuit et pour la vie mon bonheur c'est toi. Souviens-toi chérie, tu viens d'être à Anvers. C'est raconté l'angai, Timba Sambe l'angai, Matelo yo de marraine. A mon avis, c'est côté trouble. Mbote nanga mamaro, ronga na langwero. Démarche na yo tantine, nana lula kao. Pardon tantine, sois sincère. Sans qui en soit l'ingai banana kokate. Osenga kinga konse, ngana boya kite, oye bisinga malamu, va propose yo mariage, ngana juge yango malamu, obalaye. Pardon tantine, na boy na ngai na zanga yo, souviens-toi chérie, tu viens d'être envers, c'est raconté la ngai, timba sambe la ngai, matelo yo de marraine. A mon avis c'est côté trouble. Mona boy na mona yo tantine na my na miso eh. Oh boy yo partage na mama o bosani na bala. Na boy tantine ba mona kayo. Na bia bimi na mosusu lelo bimi na ngai. Lenge la lokumu na yo. Vana na mobali moko. Osali mama mo botim. Tala venir a mwanae. Kito kanzo to tantine esira kae. Pardon tantine, na boy na gana zanga yo. Souviens-toi chérie, tu donnes être à Anvers. C'est raconté l'angai, timba sambe l'angai. Matelo yo de marraine, à mon avis c'est côté trouble. Na boy aussi la nzoto, on pona la mouloué. Soso a melimbuma, aibi mongongo na ye. Tolingani tantine, ta la réalité. Amour elle qui m'a cassé, t'as pensé ni ma soeur, l'on la main à miso, t'as ali comme il conseil, et comme il t'en pote l'ouka maman, la paix du cœur, et ma juge un homme à l'amour au balai. Pardon tantine, na boy na gana zanga yo, souviens-toi chérie, tu viens de te renverse, c'est raconté l'angai, timba sambe l'angai. Matelo yo de marraine, à mon avis c'est côté trouble. On a boy aussi la nzoto, on pona la mouloué. Soso a melimbuma, aibi mongongo na ye. Tolingani tantine, ta la réalité. Amour elle qui m'a cassé, to bossa ni ma soeur. L'ongo la maïna miso, to sali comme il conseille. Et comme il t'en compote l'ouka mama. La paix du cœur, que n'a jugé un homme à l'amour au balaï. Pardon tantine, na boy na gana zanga d'Atlantide, na boy na ga na zanga yo. Souviens-toi, chérie, du dernier train à Anvers. Sera côté langai, Simba Sambe langai, Madelo yone marraine. A mon avis, c'est côté trouble. Oh, chérie, chérie, sentir, oh, on ga na ezobaye. Kito konanga sentir, oh, kabina na niye. Pardon, tantine, sois sincère. Soki on sueli nga imbanda na kosede. Ose nga ki nga konsei, nga na boya kite. Oye bisi nga malamu, va propose yo mariage. Nga na juge yango malamu, obalae. Pardon, tantine, na boy na nga na zanga yo. Souviens-toi, chérie, du dernier train en Anvers. C'est raconté l'angai, Timba Sambe l'angai, Madelo yon de marraine, à mon avis c'est côté trouble.